On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Les gens qui l'ont vu sur les médias sociaux, Benoît Lavoie s'en faisait à croire sur la galerie de presse du Stade Saputo samedi soir, puisqu'il était au match entre l'FC de Cincinnati et l'Impact. Salut Benoît! Salut Dame Radio Sport! Oui, vas-y. Tu t'en faisais à croire pas mal? Ben, une fois de temps en temps, écoute, ça fait... C'est pas la première fois, j'ai juste partagé ça sur ma page Facebook. C'est l'année qu'on monte pas souvent à Montréal, puis là, ça, l'occasion était correcte. Je savais que Cincinnati, c'était plus simple d'avoir une accréditation dans le sens que c'est pas la grosse équipe, la demande n'est pas si forte que ça. Il n'y avait pas tant de journalistes, là. Oui, les journalistes officiels de TVA Sport et RDS, mais quand t'arrives dans les autres journalistes, des médias plus médias sociaux et médias de niveau inférieur un peu, il n'y avait pas tant de monde que ça dans la galerie, à part les réguliers qui sont toujours là. Benoît, si on parlait de la rumeur, ça a fait parler pas mal en fin de semaine, là, avant de parler de l'Impact, grosse rumeur qui circule dans la MLS, David Beckham, qui est le propriétaire du FC de Miami, voudrait rencontrer les agents de David Beckham, pas David Beckham, mais de Lionel Messi, pour tenter de l'emmener avec l'Inter de Miami, la nouvelle concession l'an prochain. Est-ce que Messi a 32 ans? Est-ce que tu penses que c'est des possibilités? Hey, que c'est une perche lancée, c'est une rumeur lancée, David Beckham, et je crois que c'est pas la première qu'il fait. Il en a fait déjà avec quelques joueurs auparavant. Écoute, même Ronaldo a parlé de la MLS à un moment donné, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Moi, je pense que Lionel Messi, on a entendu parler du côté de Barcelone un peu, que peut-être à la fin de la saison, on pourrait envisager un départ. C'est clair que Barça va probablement tout faire pour le garder jusqu'à la fin de la carrière. C'est toute qu'une histoire, là. C'est une histoire d'amour, Dani, entre Lionel Messi et l'FC Barcelone. Maintenant, est-ce que... Moi, personnellement, je pense que... C'est pas dans la MLS. S'il vient, ce ne sera pas tout de suite, premièrement. Je pense que il y a des autres clubs là, qui vont être très attirés par Lionel Messi, dont je dirais un des premiers qui a été entraîneur de Lionel Messi, Pep Guardiola, avec le Manchester City. Moi, je pense qu'à un moment donné, il a peut-être failli se retrouver avec Pep Guardiola. On sait qu'il a déjà entraîné le FC Barcelone. Quand Guardiola a passé, Barcelone avait tout remporté, Ligue des champions, Coupe du monde des clubs. Donc, moi, personnellement, ça me surprendrait beaucoup. C'est une rumeur, ça fait parler. Tu as vu un peu là, les médias et puis les journaux internationaux. Quand on parle de Messi, quand on parle de Ronaldo, ces deux joueurs-là, ça fait beaucoup jaser sur la planète foot. Ben, écoute, mais c'est quoi la situation de Messi? Parce que là, on entend parler qu'il pourrait quitter le FC Barcelone. Est-ce que c'est vrai? Ben, est-ce que c'est vrai? Écoute, on n'a qu'à regarder, écoute, ce qui se passe au niveau des médias, du football, de la planète foot en Europe, c'est complètement fou, là, Danny. On a regardé la situation qui est arrivée cet été avec Neymar, hein? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Neymar? Finalement, il est resté au Paris Saint-Germain. Il a été à demander, on a parlé du Barça, en attendant Barça est allé chercher Griezmann. Le Barça, jusqu'à la dernière minute, jusqu'aux dernières secondes du Mercato. On a même parlé de Neymar au Real Madrid. Finalement, Neymar est resté au PSG. Probablement que Neymar a forcé la main au PSG dans le sens que Mbappé s'est retrouvé blessé, Cavani s'est retrouvé blessé. Bon, ben là, on a dit Neymar, on le garde avec nous. On ne sait pas quand est-ce que les joueurs vont revenir. Et tu vois, en fin de semaine, Neymar a marqué le but gagnant, 1-0. Il y a un but qui a été refusé, mais c'est lui qui a marqué le but gagnant pour le PSG là, contre Strasbourg, je crois, donc en Première Ligue en France, en Ligue 1. C'est-à-dire, donc, par rapport à ce qu'on a vu de Neymar et les rumeurs des joueurs, moi, je pense que l'histoire à Messi, je pense ça sur un grain de sel, Dani. Moi, ça me surprendrait beaucoup. Et de toute façon, s'il faut que Messi vienne en MLS, il va falloir qu'on sorte le gros cash, pas à peu près. Mais David Beckham, rappelle-toi, on avait fait ça aussi, Beckham. Mais la MLS avait investi de l'argent aussi. C'était pas juste le... Mais le contexte n'était pas pareil non plus. On en avait fait un... Oui. On avait fait oui. un... Oui? Oui, on a réussi avec Beckham. Le coup qu'on a fait avec Beckham, les années qu'il est venu avec la Galaxy, ça avait été un super coup. Ouais. Mais là, on parle de Lionel Messi. C'est une couche, deux couches en haut de Beckham. Moi, je ne compare pas. Là. Messi, c'est sûr que pour la MLS, ça serait incroyable. Imagine-toi de venir à Montréal pour un match officiel contre l'Impact. Ouais. Ça serait complètement fou. On pourrait en parler longtemps, mais c'est une rumeur. Et comme je te dis, j'ai pas les noms devant moi, là, Danny, là, mais je sais que Beckham a déjà sorti d'autres noms là, avant Messi. Là. Ah oui, il avait sorti Ronaldo, il avait sorti Mbappé. C'est-tu Mbappé qui avait sorti? Il en avait sorti alors, plusieurs. Pas Mbappé, certain. Pas Mbappé, mais Griezmann. Griezmann, plus tard un peu, je pense qu'il a sorti Cavani aussi, Cavani du PSG, parce que Cavani, ça ne serait pas surprenant. Lui, ça fait des années qu'on pense qu'il va s'en aller du Paris Saint-Germain. Il est dans un âge où je pense que c'est pas le niveau à Messi. Ce serait un joueur qui ne me surprendrait pas de voir arriver en MLS, là, Cavani, je pense. L'Uruguayen, qui est un excellent joueur, un marqueur, un striker. J'ai hâte de voir tout ça. Là. OK, l'Impact, t'en penses quoi? Écoute, moi, là, je vais te dire une affaire. Congédier Jimmy, puis ça, je l'écris. Congédier les gardes, c'est correct. Mais congédier par un gars qui avait même pas une fiche de 500 dans la MLS, c'est une autre affaire. Je vais prendre l'exemple du Canadien avec quand ils ont congédié Michel Therrien. Ils l'ont remplacé par Claude Julien, qui était un des bons entraîneurs de la Ligue. Mais il avait prouvé quoi? Non, on sait pas toute l'histoire, Daniel. On sait pas ce qui s'est passé dans les coulisses. Moi, fin de semaine, écoute, j'étais allé au match dans la galerie de la presse. J'étais assis avec les gars qui suivent le club toute la saison, qui vont aux entraînements. Le gars de Sydney, le Cannes Football Club, est très allumé là sur l'Impact de Montréal. Il comprenait pas non plus le congédiement de Rémi Garde. Il semblerait qu'au sein de l'équipe, il y avait deux ou trois mécontents, dont Saifir Taider, qu'il y a des joueurs comme ça qui ont pas une grosse histoire avec l'Impact non plus, là. Puis, il semblerait qu'ils étaient mécontents de leur utilisation, je sais pas trop, ou de la façon de gérer de Rémi Garde. Alors, moi, je comprends pas ce move-là, Danny, de pas avoir attendu la fin de saison, de voir qu'est-ce qui se passait avec l'Impact. Est-ce que les séries, on joue sur deux tableaux, là, les séries, la Coupe MLS, bon, en fin de semaine, le match contre Cincinnati, on l'a échappé encore. On en parlera tout à l'heure du match en tant que tel. On l'a échappé en début de match. On n'a pas gagné encore du côté de Cabrera, je crois. Là. Et par la suite, Toronto, on joue mercredi dans deux jours. Match aller du championnat canadien. Toronto... On mise beaucoup là-dessus pour rattraper notre saison. On l'a déjà fait par le passé. Mais là, oui, mais Danny, il y a une équipe de l'autre côté, là. L'FC Toronto, on a battu Montréal lors du dernier match, du dernier Mercato, Montréal-Toronto 2-1. Et là, si on regarde le classement, Toronto s'est faufilé. L'Impact, mathématiquement, a encore des chances, parce qu'il y a des équipes qui perdent aussi au sein de la MLS dans leur division. Alors, je pense que l'Impact, ce match-là a fait très mal encore une fois. 30 secondes, le but s'est marqué en 30 secondes, une erreur. Je pense que les joueurs n'étaient pas concentrés en début de match. Qu'est-ce que ça dit? Il y a eu un tir bloqué par Piet. Piet l'a expliqué dans le vestiaire. Par la suite, moi, je suis allé dans le vestiaire. Piet en a parlé. Ils ont été chanceux, Cincinnati. Piet a comme bloqué le tir. Peut-être que ça aurait donné le but quand même. Mais le ballon s'est retrouvé sur le pied de l'attaquant de Cincinnati, seul devant le but. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas de défenseur sur ce joueur-là? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? L'Impact pas capable d'acheter un but. Malgré que l'Impact a dominé le jeu, on a quand même circulé le ballon, mais pas capable d'acheter un but. On a manqué quand même des buts. Bush a fait un beau save, un bel arrêt à un moment donné, et le gardien de l'autre côté a fait un arrêt ou deux. Je pense que l'Impact a un tir cadré dans le match d'année, un tir cadré, et je pense que peut-être il aurait pu y avoir un penalty en faveur de l'Impact là à 1-0 à une situation en fin de match. L'arbitre ne l'a pas signalé. Peut-être qu'il n'aurait pu en avoir un de l'autre côté aussi. Donc, là-dessus, ça s'égalise. Puis moi, une autre place, je suis déçu. À un moment donné, je te parlais de Taider tantôt. C'est Taider qui devait faire les coups francs, tirer les coups francs. Oh là là! Un bac à stick, quand on le disait, à la balle molle, Danny, il l'a envoyé dans le bac à stop, là. Il l'a envoyé à haut dans les airs, derrière les gradins en arrière, dans la zone 16-42. Donc, très difficile pour l'Impact. Moi, je pense que pour la MLS, on va faire une croix là-dessus. Maintenant, pour le championnat canadien qui est mercredi soir, J'ai des bémols, ça sera très surprenant. Le match aller peut-être, mais il faut pas oublier qu'il y a un autre match la semaine prochaine. À voir. En tout cas, on a fait jouer Piatti un petit peu, Danny. Piatti a pas eu de ballon beaucoup, mais ça fait longtemps qu'il est arrêté. Il est pas en shape pour le match. Je pense que on va avoir besoin de Piatti, hein. Quand tu me parles de Rémi Garde, Danny, il a été congédié, mais sans son joueur vedette, Piatti, tu sais, il n'y a pas eu Piatti de la saison. Donc, on est apporté à croire qu'il y a eu de quoi en arrière, dans les vestiaires, là, ou dans les bureaux avec l'administration. OK. Joey Saputo aurait été dans le vestiaire. Peut-être que Saputo s'en est mêlé rendu là. Oui, je suis à DS qu'on dit ça, là. Je veux te parler en terminant de tu veux me parler de la Ligue des Champions qui ouvre demain? Oui, première phase de groupe, Danny, c'est le premier match. Juste demain et mercredi, t'as donné les gros matchs, les gros rendez-vous intéressants à surveiller, là. Je sais pas quelle chaîne qui, je sais que Dazen Sport la présente. Est-ce que RDS, ils avaient abandonné l'an passé? Je pense qu'ils sont plus là non plus. Non. Alors, à surveiller, donc, Chelsea et Valence, un match à surveiller. T'as Liverpool et Napoli et Naples demain. Le match est en Italie, à Naples. Ça va être très intéressant. Et t'as aussi un super match, t'as Barcelone, qui va à Borussia Dortmund. Messi a recommencé à s'entraîner. On n'est pas certain qu'il va jouer, mais ça va être un bon match parce que le Borussia est une bonne équipe, un bon club en Allemagne. Et t'as aussi, je pense que c'est mercredi, là, Atlético Madrid contre la Juventus. C'est comme un match reprise des huitièmes ou les quarts de finale l'année passée. Ça va être très intéressant à voir, ça. Et le dernier match, bien entendu, Paris Saint-Germain reçoit le Real Madrid. Donc ça, c'est les matchs à surveiller mardi, mercredi, les premiers matchs de phase préliminaire. Donc ça va être tout l'automne. On sait que c'est 8 groupes de 4 équipes. Chaque équipe joue 6 matchs. Donc on joue un match à la maison et un match à l'extérieur contre chaque équipe. Donc ça va être à surveiller. On prend les deux meilleurs pour arriver en 8e de finale après les fêtes. Donc Ligue des Champions, Danny, on le dit, on va le redire, c'est les meilleurs joueurs de la planète foot. Le gros cash est là, c'est là que ça se passe. Effectivement. Donc, on va suivre ça. Puis la Coupe, je vais t'apprendre de quoi, c'est la Coupe du monde des clubs, la grande finale qui va avoir lieu mercredi soir à 22h30. Coupe du monde des clubs, c'est quoi? C'est un tournoi qu'on a organisé entre les gangs de certaines équipes de la MLS et le club. Ah, ça, c'est pas la Coupe. Ça, c'est pas la Coupe du monde des clubs, Daniel. La Coupe des clubs. La Ligue des champions. Non, c'est une nouvelle... nouvelle non, non. On aurait dû parler de ça en dehors des ondes, là, mais c'est mercredi soir, la grande finale qui va avoir lieu entre deux... Danny, c'est une coupe entre le champion de la MLS, Atlanta, et le champion de la Ligue mexicaine. C'est une entente qu'on fait depuis 2 ans. Oui, c'est ça. Et puis, aussi Atlanta qui l'a gagné. Vérifie comme il faut, Danny, on aura dans la Coupe du monde des clubs, c'est au mois de décembre. Oui. En tout cas, on a dit ça en parlant dehors des ondes. Excusez-moi aux gens qui nous écoutent, là, mais c'est une nouvelle compétition entre la Ligue du Mexique et la Ligue des États-Unis. Oui, c'est beau. OK, donc Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Lac-Saint-Jean.